j'irai dans l'espace draguer des nébuleuses. Je rirai si fort que le silence spatial en sera bouleversé. Plus tard, je te dirai que je t'aime et je n'en croirai pas un mot. J'allumerai une clope et je l'éteindrai parce que j'aurai arrêté de fumer et parce que rien ne s'enflamme au milieu de nulle part. Plus tard, je te dirai que je t'aime et je n'en croirai pas un mot. Plus tard, je me trouverai beau en me coiffant devant la glace. Je te trouverai quelconque quand tu te coifferas devant la glace et je me demanderai ce que je fais encore avec toi. Elle m'appréciera, alors elle m'expliquera comment on met le soleil en flamme. Je simulerai un profond intérêt, mais mon esprit vagabondera ailleurs. Plus tard, mon fils me dira affolé qu'il a avalé une toile d'araignée. Je lui répondrai que ce n'est pas grave, il en reste plein la forêt. Plus tard, je te dirai que je t'aime, et je n'en croirai pas un mot. Je prendrai congé de la nébuleuse sorcière et j'irai visiter un trou noir. Je chevaucherai une comète comme un cowboy galopant au milieu du désert. Plus tard, je regarderai les nuages par la fenêtre et l'un d'entre eux aura la forme d'un phallus en érection. Je jouerai au loto la date de naissance de ma fille et je me demanderai pourquoi sa mère a accouché un jour qui ne sort jamais. Sans doute pour me contrarier, penserai-je. Plus tard, j'éviterai de te dire je t'aime car tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Sortirai du trou noir un peu déçu, ce sera moins bien que ce que j'avais imaginé, alors je repartirai draguer des nébuleuses. Plus tard, je me retournerai, je ne verrai que mon ombre désolée. Je tracerai des lignes imaginaires dans le ciel du bout de mon index et je m'en ficherai bien pas mal que personne ne me suive dans mes rêves. Plus tard, tu diras du mal de moi et je l'apprendrai par hasard. Je ne souffrirai pas trop car je n'ai jamais cru le hasard. Plus tard, je te dirai je t'aime car je sais que ça t'agace. Cheval aura une très jolie matière. Elle diffusera de splendides reflets aux surfaces hyaloïdes de mes rétines. Plus tard, je téléphonerai à une amie pour m'excuser d'avoir oublié son anniversaire. Mais ça m'ennuiera beaucoup de perdre mon temps à l'écouter me pardonner. Je me retournerai, je verrai mon ombre se faire avaler par la nuit. Je me sentirai seul sans elle. Tomber et retomber dans les flaques en dessinant des cercles. J'aurai les cheveux mouillés, des gouttes glisseront sur ma nuque. Le temps sera triste comme un chagrin inconsolable et les vaches se mettront à voler pour ne plus avoir les pieds trempés. Et là, tu m'annonceras que tu me quittes et je ferai semblant d'avoir les yeux qui tremblent.